Je suis le témoin de la morsure et le juge de l'âme changée. Regarde-moi, et tu sauras si je vois un homme ou un prédateur.